espoir de vivre mieux. Une lumière trop bien masquée par les larmes que tu cachais. Where you can't explain, but you know for me it's not enough to pray. Même les plus grandes vins ne pourront pas dire pourquoi tu vas. Toi qui m'as ouvert tes bras, pourquoi ne les fermes-tu pas derrière moi? Toi qui as su briser mes pleurs, pourquoi repartir dans une heure? Qui de toi ou de moi a raison? Qui répond à tant de questions? Faut-il implorer le grand patron? Faut-il attendre le renom? Well, you can't explain, but enough for me, not enough to pray. Mais les plus grandes vins ne pourront pas dire pourquoi tu vas être. Pourquoi? Pourquoi?